ta beauté, ton comportement, ta culture, ton langage, ta religion. Tout ce qui nous divise est bon pour cette nation. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. On se nique entre nous, l'État lui fait ses affaires. Il n'aime pas notre unité, il n'aime pas nos différences. Soyons tous différents et unis, les conséquences se verront, ça paiera. Ou sinon ça pètera, de toute façon, réaction. On peut plus baisser les bras comme ça, gars. Ouais, maintenant, v'là le nom. À cesser qui ne saisissent le terre, c'est toute extrémité, fils, frère. La lumière poursuit l'aveugle, d'être amer. Je cherche le blé mais je m'attends au mal. Je flaire Lucifer sur terre, ce que réserve le fou pour la fin. Le sage le place en tête à tête. La vérité n'est pas montrée nue mais en chemise. Plus on sait, moins on affirme. Pour te servir, Freeman avec sa firme. Vos mères, vos mères, vos mères, vos mères. Vos j'commence quand la France défonce des églises à coups de hache. Leur mère. Comment tu veux que je respecte tes lois, ton drapeau, ton état? Alors tu respectes même pas Dieu, ah. Au sein du pays, du pain, du vin, du poussin, j'suis pas blond. J'nique la hala. Et j'ai pas les yeux bleus, non. Mais comme eux j'bouffe des pâtes et j'éclate même leur attaque. Certains diront j'm'en fous de vos trucs, de vos lois, contre lois, manifestations. Bande de bidons. C'est pas un morceau de rappeur qui fera peur, mais on peut quand même engrainer, engrainer, engrainer. Allons enfants dans cette saloperie. Bougez vos fions, question, ça parle de révolution. Prendras-tu les munitions? Beaucoup jouent les hardis, pardis. Elles ne veulent pas mourir. Alors vas-y toi, dis-moi comment tu veux le paradis. Paradis, paradis, paradis, paradis, paradis. We'll be right back. Et vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, c'est l'émission C'est là que ça se passe, sur le 89.4 sur la bande FM et en streaming sur le www.radio-libertaire.net. Alors j'espère que je n'aurai pas les petits soucis qu'ont rencontré l'équipe précédente de l'émission lundi matin. Petit souci de transmission sur l'AFM, malgré le fait que c'était toujours écoutable par le streaming. Alors si jamais il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me le faire savoir pendant une pause musicale. Étant donné que je suis tout seul au studio, c'est un peu compliqué de pouvoir décrocher au même moment que je suis en train de parler au micro, évidemment. Et puis, tout devrait bien se passer pendant l'émission, donc jusqu'à 14h30, ou peut-être un peu plus aujourd'hui, puisque il n'y aura pas l'émission Onde de choc, qui est normalement sur le créneau 14h30-16h, donc on va sans doute se permettre aujourd'hui de déborder un petit peu, sachant qu'il y a quand même pas mal de rendez-vous que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, autant sur Paris, sur la région parisienne au sens large, et puis d'autres rendez-vous, vous le savez maintenant depuis la semaine dernière, sur le reste de la France, puisque cette émission veut quand même utiliser aussi la possibilité du streaming, qui permet d'écouter donc Radio Libertaire en s'affranchissant du 89.4, et donc de pouvoir l'écouter partout en France et partout dans le monde, si on veut. Donc voilà, des rendez-vous dans les principales grandes villes, en tout cas de ce que j'ai pu recouper comme information, dans les principales grandes villes de France. Aujourd'hui, ça sera sur Brest, sur Nantes, il y aura un rendez-vous sur Grenoble. Qu'est-ce que j'aurai d'autre à vous proposer tout à l'heure? Sur Marseille aussi. Sur Bayonne également. Bon, vous verrez ça tout à l'heure de toute façon. Sur la partie consacrée au rendez-vous dans le reste de la France. Alors, aujourd'hui... Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 janvier, donc nouvelle semaine de lutte et de rendez-vous, bien que cette semaine, j'ai eu un peu de mal à pouvoir recouper des informations sur des rendez-vous de lutte sur Paris intramuros. Alors il y a un certain nombre de rendez-vous cette semaine, mais c'est des débats, des projections, ce genre de choses. Il y en a vraiment un certain nombre. J'ai vraiment pas tout référencé aujourd'hui, puisque quand même l'émission se veut en majorité donner des rendez-vous sur des rendez-vous de lutte et un peu moins de rendez-vous propices au débat ou à la discussion, même si j'en ai quand même quelques-uns à vous proposer. Mais voilà, tout ce qui concerne les grèves, tout ce qui concerne les manifestations, des rassemblements, etc., cette semaine, c'est un peu soft, un peu léger pour Paris Intramuros. Néanmoins, vu que je parlais de grève, mercredi 13, donc dans deux jours, vous avez une action des grévistes, de la société OMS Nettoyage Paris Habitat. Alors c'est une action des travailleurs et travailleuses du nettoyage, qui sont en grève maintenant depuis un certain nombre de mois, il me semble, un certain nombre de mois de grève, de lutte, contre les contrats précaires sous lesquels ils et elles sont, et leurs conditions de travail qui sont déplorables, avec des heures à n'en plus finir, etc. Donc les 35 heures n'existent pas vraiment dans leur contrat. Et voilà, c'est surtout qu'ils sont employés par OMS Nettoyage. Et les contrats ne sont pas les mêmes que si ils et elles étaient employés par Paris Habitat. sachant que Paris Habitat sous-traite une partie de son nettoyage à OMS Nettoyage. Donc voilà, ce que demandent les salariés, c'est d'être sous le même contrat que Paris Habitat. D'ailleurs, que ça soit Paris Habitat qui les embauche et non pas OMS Nettoyage. Et parce que les contrats ne sont, ce sont vraiment des contrats précaires qu'ils ont par rapport au fait que s'ils étaient employés par Paris Habitat. Alors bien évidemment, en tant que libertaires, nous sommes évidemment contre le salariat, donc contre le patronat et contre ce système-là. Mais voilà, en tout cas, je ne fais que décrire cette lutte. Et c'est une lutte, évidemment, pour de meilleures conditions de vie, tout simplement, puisque les salaires sur les contrats par Paris Habitat sont un peu plus intéressants que les salaires donnés à OMS Nettoyage, du fait de contrats précaires. Hein. Donc ça peut être des contrats de comment dirais-je, des contrats temps partiel ou ce genre de choses. Et donc, les deux rendez-vous pour cette lutte, pour cette action de ces grévistes, donc deux points de rendez-vous sont donnés. Donc, un premier, c'est sur le lieu du piquet de grève, qui est dans le 20e arrondissement. Vous pouvez passer tous les jours, hein, les voir. Alors, ils sont pas forcément nombreux en ce moment sur le piquet de grève, mais ça fait toujours plaisir de recevoir des gens en soutien sur une lutte, hein, pour en avoir fait quelques-unes du côté gréviste comme du côté soutien. Voilà, c'est toujours quelque chose d'important de pouvoir apporter sa solidarité sur une lutte, et aussi quand on est du côté des grévistes, de voir qu'on n'est pas tout seul isolé sur sa lutte et qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et c'est pour ça que cette émission existe aussi, hein. C'est pour transmettre ce type d'informations, transmettre le fait qu'il y a des grèves, qu'il y a des luttes, et que le mot solidarité n'est pas un mot vide de sens. Alors, comme j'ai dit, deux rendez-vous. Le premier, au lieu du piquet de grève, dans le 20e arrondissement, qui est situé, le piquet de grève, à l'angle de la rue des Fougères et de la rue de Noisy-le-Sec. Et pour y aller, il y a la station Adrienne Bolland de la ligne 3B du 3 Mouais, qui est vraiment pas loin. L'autre rendez-vous, alors c'est à partir de 10h45, j'avais oublié de donner l'horaire, excusez-moi. Donc à partir de 10h45, et l'autre rendez-vous sera à partir de 10h45 aussi, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ce deuxième rendez-vous sera situé devant le Hyatt Regency, un autre hôtel qui est situé au 3 Place du Général Koenig, dans le 17e arrondissement, et le métro le plus proche, c'est Porte-Maillot. Alors en fait, 10h45, à ces deux rendez-vous, à ces deux lieux, et deux autocars vont partir de ces deux endroits pour faire des actions toute la journée. Alors je n'ai pas connaissance des actions prévues, par contre, mais renseignez-vous d'ici mercredi avec les collectifs et le collectif de grévistes. Donc deux autocars vont partir de ces deux endroits, ils vont se rejoindre certainement à un endroit et faire comme ça des actions dans Paris toute la journée, avec un retour prévu vers ces deux lieux, pour chaque autocar respectif, donc vers 15h30. Donc voilà, ça va être une journée de lutte apparemment, hein, avec quelques actions de ci, de là. Alors Je n'ai pas connaissance, pardon, du programme d'action qui est prévu, mais en tout cas, voilà, ça a l'air plutôt intéressant comme mode de fonctionnement, de ne pas forcément diffuser ce qui va se faire, hein, pour ne pas forcément que les instances soient au courant en amont. Et ça peut porter ses fruits. Alors, j'espère que pour cette lutte, ça aura un effet. Mais c'est vrai qu'on peut réfléchir à ce mode de fonctionnement quand même pour tout ce qui peut être de plein d'actions, en fait, de se donner rendez-vous quelque part et non pas d'annoncer le programme de ce qui va se faire, mais seulement au moment où on y est. Donc là, par exemple, avec deux autocars qui vont être mis en fonction, hein. Alors évidemment, bon, il faut pour cette lutte-là, il faut les moyens de louer les autocars. Ce n'est pas gratuit, nous sommes bien d'accord, mais on peut réfléchir à diverses choses pour ne pas divulguer trop d'informations aux instances. Hein. On sait très bien que la répression contre les mouvements sociaux, contre les mouvements syndicaux, etc., en général, hein, c'est surtout en ce moment à monter de quelques crans. Mais voilà, peut-être que ça peut être bien de penser à ce genre de pratique. Alors, comme je disais, pas trop de rendez-vous de lutte cette semaine sur Paris. Un autre rendez-vous, ce sera samedi 16 janvier. Et ce sera à partir de midi. Un grand banquet est prévu contre l'état d'urgence. Et ce grand banquet se fera sur le parvis extérieur de la station Ménilmontant, à la station Ménilmontant, pardon, sur la ligne 2 du métro. Et peut-être desservi par la ligne 11 aussi, mais je ne suis pas sûr de ça, Ménilmontant. Voilà, donc ligne 2 du métro, sur le parvis, voilà, il y aura un grand banquet festif contre l'état d'urgence, avec des interventions, hein, des prises de parole d'ex-assignés à résidence. Hein, de tout ce qui s'est passé des assignations tout au long de ce mois de novembre et décembre. Hein. Alors ça a été en lien avec, quelque part, la COP21, mais pas que. Hein. Il y a eu quand même des assignés, tout simplement parce qu'ils faisaient partie du mouvement social. Des perquisitions aussi. Donc voilà, il y aura des prises, des prises de parole d'ex-assignés à résidence et d'anciens perquisitionnés de ces deux derniers mois. Alors, ce banquet se veut une suite de, comment dirais-je, pardon, je n'ai plus mes mots, excusez-moi. Oui, voilà, la suite du banquet qui avait eu lieu le 28 novembre à Versailles. Alors là, c'était véritablement dans le cadre de la lutte contre la COP21. Mais voilà, donc ça se veut quand même penser à l'état d'urgence, penser à la suite des manifestations, des luttes qu'il y a eu tout au long de la COP21. Et voilà, ça se veut un lieu rassembleur, festif, hein, puisque c'est un banquet, il y aura sans doute à manger et à boire. Alors peut-être qu'on peut amener aussi ses propres boissons et nourriture, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y aura, comme j'ai dit, des prises de parole de personnes qui se sont fait prendre, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, toujours le mouvement répressif de la part de l'État. Et donc ce sera à midi. Et oui, c'est aussi, vu qu'il y a une tentative d'expulsion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi apporter une démonstration de force, comme quoi il y a du monde qui est toujours là pour lutter, prêt à lutter, et ce grand banquet se veut quand même comme une démonstration de force, pardon, en prévision de ce qui peut se passer à la ZAD sur Notre-Dame-des-Landes, sachant qu'il y a des référés d'expropriation et d'expulsion. Hein, le jugement sera mercredi. J'aurai un autre rendez-vous à vous proposer tout à l'heure à ce sujet. Et voilà, donc ils disent d'amener aussi vos banderoles, il y aura une fanfare, il y aura plusieurs cantines aussi, et ça va permettre de rendre visible la lutte contre l'état d'urgence, la lutte contre Vinci et son projet d'aéroport. Donc voilà, ça se veut pas seulement état d'urgence point barre, ça se veut pas sûrement seulement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, c'est vraiment faire une conjonction entre plusieurs luttes qui peuvent se passer actuellement. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ça sera samedi 16 janvier à partir de 12h à Ménilmontant. Et apparemment, peut-être qu'une manifestation pourrait avoir lieu à partir de 15h. Donc, pour de plus amples infos, donc soit sur place samedi, soit en prenant contact avec les différents collectifs qui participent ou qui organisent ce grand banquet contre l'état d'urgence. Un état d'exception, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est censé, en tout cas, être un état d'exception. Mais bon, vous voyez à quel point on s'habitue quand même. Hein. Depuis mi-novembre, je trouve, en tout cas moi, dans mon entourage proche, qu'on s'habitue à cette militarisation dans les rues, ou dans les centres commerciaux, ou à l'approche de certains lieux dits sensibles. On s'y habitue. C'est malheureux, mais c'est vrai qu'on s'y habitue. Et c'est sans doute là-dessus que l'État, ou les États, hein, puisque la France n'est pas le seul à militariser sa société, c'est surtout là-dessus que les États, à mon avis, comptent. C'est sur le fait, vous voyez, qu'on s'habitue, qu'on prenne, cette atmosphère comme une atmosphère normale. Même si ça fait déjà un certain nombre d'années, hein, depuis que Vigipirate existe, que la société se militarise peu à peu dans les rues. Donc voilà, c'est simplement le degré au-dessus, hein, la marche au-dessus dans l'étage dans l'étage de la militarisation de nos rues, hein, tout simplement. Enfin voilà. Donc si vous voulez participer, c'est samedi 16 janvier à partir de midi, avec peut-être une manif à partir de 15h. Alors totalement autre chose, enfin dans le cadre, c'est-à-dire que je sors du cadre des luttes et des manifestations et des rassemblements de rue, pour vous proposer samedi 16 à partir de 16h30, ça sera à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. La librairie Publico qui va réouvrir à partir de demain. Voilà. Donc qui était fermée pendant une semaine du fait de l'inventaire. Inventaire, hein, c'est évidemment quelque chose. Tout à recompter pour une fois par an, pour pouvoir repartir du bon pied. Et donc, qui réouvre à partir de mardi, avec donc ce rendez-vous, déjà cette semaine, 16h30, avec la présentation, donc samedi 16 à 16h30, avec la présentation du livre « Je suis Charlie, ainsi suit-il ». Alors, c'est un livre collectif, hein, avec un certain nombre de contributeurs et de contributrices, et ce sera suivi d'un débat. Et ce sera en compagnie d'Alain Brossa, de Cédric Cagna et d'Olivier Le Court Grand Maison. Ce livre a été écrit déjà il y a quelques mois. Hein. C'est pas un livre qui vient de sortir suite aux attentats du 13 novembre. C'est quelque chose qui a été sorti pendant le premier semestre, hein, suite surtout à l'attaque qu'il y avait eu dans les locaux de Charlie Hebdo et à toute cette ces manifestations de soutien, ces applaudissements des forces de police, etc. En tout cas, voilà, c'est les différents auteurs et autrices qui se sont exprimés dans ce livre. Ils ont voulu, en tout cas, rétablir, en quelque sorte, les droits de la pensée critique face à un événement d'une telle, entre guillemets, ampleur, hein, même si c'était une dizaine de morts et qu'on peut très bien penser à comparer avec d'autres endroits sur la planète où il y a 200 morts par jour, bien évidemment. Mais ça reste quand même un événement marquant. Alors, les différents auteurs et autrices sont quand même assez loin d'être alignés sur les mêmes convictions et les mêmes analyses, c'est-à-dire que vous avez vraiment des choses qui peuvent être contradictoires au sein du même livre, mais qui nourrissent quelque part le débat. Surtout sous cette étiquette « Je suis Charlie », où on peut mettre tout et n'importe quoi, finalement, hein, entre est-ce le verbe « être » ou est-ce le verbe « suivre », hein. C'est bien pour ça que le sous-titre est « Ainsi suit-il », hein, surtout après les manifestations qu'il y avait eu au mois de janvier. Manifestations, textes, etc., plusieurs publications, hein. Et tout en évoquant dans le livre le sigle de liberté d'expression, hein, c'est pareil, c'est un fourre-tout, on peut tout mettre en définition sous ce terme. Ça parle aussi de l'imaginaire collectif. La presse aussi, comment la presse et les grands médias de masse ont traité cette information. Et donc, bien évidemment, ce livre ressort aujourd'hui. Et il y aura donc cette présentation et ce débat. Bah, forcément, c'est à cause du regain d'actualité suite aux attentats du 13 novembre. Malgré que le livre, apparemment, en tout cas les auteurs se seraient bien passés de ça, mais en tout cas, ils ont décidé de le présenter en public, de le représenter en public et d'en discuter suite à ça. Et donc ce samedi 16 janvier, à partir de 16h30, à la librairie Publico. On va finir pour les rendez-vous intramuros parisiens avec le dimanche 17, un concert de soutien à la revue Courant Alternatif. Et ce concert de soutien aura lieu à partir de 17h, oui, à partir de 17h au CICP. Le CICP, c'est le Centre International des Cultures Populaires, pardon, et qui a une très grande salle qui permet ce genre de rendez-vous avec concerts, avec des groupes de musique, donc. Et les groupes, justement, en question, et il y en aura deux, ce sera Guarapita, qui est du ska punk latino, et le groupe Yabasta, un vieux groupe quand même, hein, un ska punk originel. Et donc Courant Alternatif, c'est la revue mensuelle de l'OCL. L'OCL, c'est l'Organisation Communiste Libertaire. Alors Courant Alternatif, oui, mensuel, comme j'ai dit. Alors bon, il y a de bons articles parfois à l'intérieur, et... Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai trouvé cette information sur le site Bella Ciao. Et Bella Ciao, c'est vrai que c'est un site qui est quand même proche, alors un peu proche quand même du Front de Gauche ou du NPA. Et bon, on peut se poser la question de pourquoi des sites internet ou des groupes... n'étant pas spécialement libertaire et anti-autoritaire, ferait la promotion d'un concert de soutien à Courant Alternatif, qui est, bon, qui est quand même un journal anarcho-communiste, hein, donc quand même dans la sphère libertaire, hein, puisque c'est le journal de l'OCL. Mais c'est vrai que voilà, c'est relayé par un certain nombre de courants que je qualifierais moi-même de pas anti-autoritaire. Et donc c'est assez intéressant. Enfin, j'ai remarqué ça et je voulais donc vous transmettre aussi mon point de vue là-dessus. Parce que bon, bah, ça mérite quand même de se poser la question de savoir les orientations de ces groupes. Non pas des groupes de musique, hein, mais de ces groupes politiques qui font la promotion de ce concert de soutien à Courant Alternatif, mais aussi de se poser la question sur Courant Alternatif lui-même et vers où se dirige-t-il. Mais voilà, comme je dis, je le lis de temps en temps, pas tous les mois, et il y a quelquefois des articles assez intéressants, donc voilà. Cette revue mérite d'être connue quand même. Hein. Et vu que je cite Courant Alternatif, sachez aussi que le nouveau Monde Libertaire vient de sortir. Monde Libertaire hors série numéro 63 sur la démocratie, les démocraties, la notion de démocratie, qui est trouvable à la librairie Publico, bien évidemment, mais aussi dans différents kiosques, hein, de la capitale et de la région parisienne. Et puis, il est trouvable aussi ailleurs en France. Hein, alors évidemment, pas dans tous les kiosques de presse. Il y en a beaucoup trop pour le tirage du Monde Libertaire, mais on peut le trouver. On peut le trouver notamment dans les relais H, si vous êtes pas loin d'une gare SNCF, ou RATP pour la région parisienne, il est trouvable, hein, dans les relais H, donc. Ou s'il n'y est pas en présentoir, normalement, ils l'ont. Donc c'est qu'ils doivent l'avoir dans leur stock en arrière-salle. Donc n'hésitez pas à le demander. Donc il traite de la démocratie, les démocraties, Je crois qu'il y a un article sur la démocratie directe, mais en mettant en parallèle avec ce que pourraient être les choix dans une société libertaire et anti-autoritaire. Donc, il y a des articles assez intéressants dans ce numéro. Donc, n'hésitez pas, il vient de sortir il y a quelques jours. Donc, voilà pour les rendez-vous en intramuros parisien. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Alors, étant donné que j'ai appris le décès de David Bowie et que, j'écoutais de temps en temps sa musique, donc là je vais vous passer David Bowie avec le titre Space Oddity. A tout de suite. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est là que ça se passe sur Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM et sur le net, sur le streaming, partout ailleurs, sur le www.radio-libertaire.net. Alors on vient de s'écouter David Bowie avec Space Oddity. Donc une période de David Bowie que j'affectionne un peu et donc j'avais envie de passer ce titre. Même si, bon, il est un peu mélancolique, etc. Alors que moi, je suis plutôt du genre optimiste, mais ça reste une chanson que j'apprécie. Donc, voilà. Et donc, on va reprendre les rendez-vous. Et cette fois-ci, les rendez-vous en Ile-de-France. Alors, vu qu'on était sur les grèves tout à l'heure, eh ben, on va continuer. Parce que, sachez qu'il y a une grève à Malakoff. Alors Malakoff, c'est dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, et dès aujourd'hui, une grève reconductible qui va toucher les services publics de la ville, comme les crèches, les cantines, dans la mairie, oui, et dans les centres de loisirs aussi certainement. Et donc c'est une grève où les personnes grévistes luttent pour une régularisation des salaires, régulation de leurs salaires, sachant que, plus particulièrement, leur lutte se axe sur la chose suivante, c'est que des primes ont été données aux personnes qui sont sous contrat catégorie A et catégorie B. Alors dans la fonction publique, je ne suis pas forcément très calé sur le sujet, mais voilà ce que j'ai pu recevoir comme information. Et donc, les personnes qui font grève exigent que les plus petites catégories, donc C, à partir de C, etc., obtiennent également cette prime que les catégories A et B ont eue. Donc c'est toujours cette histoire de différence classiste entre et de séparation des travailleurs, de qualification, de classification des travailleurs entre travailleurs et travailleuses, bien évidemment, entre différentes catégories, donc différents salaires, donc différents privilèges, etc. Alors que des fois, les personnes ne font pas forcément du travail plus accompli ou qui ont une tonne de travail en plus supplémentaire. Non, c'est d'autres fatigues, d'autres pénibilités, mais les pénibilités n'ont pas à être comparées pour déterminer que X catégorie a droit à des privilèges et Y catégorie n'en a pas. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est tout le monde pareil ou personne. C'est pas comme ça à la foire où on gagne comme ça au tir au ballon de baudruche. Donc voilà, c'est à Malakoff. Donc si vous passez et qu'il y a des piquets de grève, je ne sais pas s'il y en a, mais voilà, si vous êtes dans ce coin-là aujourd'hui et apparemment ça va être reconductible, eh bien n'hésitez pas, s'il y a des piquets de grève, à aller faire un coucou, montrer votre solidarité et puis tout simplement, oui c'est ça, marquer votre solidarité avec les personnes qui font grève et qui donc perdent quelque part une journée de travail. C'est comme partout. Et c'est pour Malakoff. Alors Malakoff, j'ai pas spécialement de quoi vous donner en termes d'informations transport. Maintenant, depuis la semaine dernière, vous avez sans doute entendu qu'à chaque fois que je donne un rendez-vous, je fais en sorte de donner aussi les moyens d'y accéder quand il y a des piquets de grève, des rassemblements, ou des manifestations. Manifestations, oui, pardon. Je bafouille. Excusez-moi. Alors, alors Malakoff, oui. Eh bien, vous pouvez y accéder par la ligne 13 du métro en direction Châtillon-Montrouge. Et notamment, Les stations Malakoff, Plateau de Vanves ou Malakoff, rue Étienne-Dolay, mais aussi par la ligne N du Transilien SNCF au départ de la gare Montparnasse. Et vous descendez à la station Vanves-Malakoff. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est une grève et je pense que toutes les grèves sont à soutenir. Hein. Bien évidemment, on peut très bien apporter la critique suivante comme quoi c'est une lutte corporatiste où les personnes défendent simplement leur bout de pain et sans faire de lien avec le reste, sans faire de lien avec le ne serait-ce que la société capitaliste, sans faire de lien plus critique. C'est vrai. Et je fais cette critique moi-même aussi, sur beaucoup de luttes, mais ça reste des grèves quand même, ça reste des gens qui arrêtent le travail, ça reste des gens qui mettent en péril un service public, qui mettent en péril entre guillemets, hein, j'utilise des mots forts parfois, mais il faut vraiment les entendre entre guillemets, c'est-à-dire que donc quand je dis qu'ils mettent en péril, c'est surtout du point de vue des directions. Hein, de la direction, donc du point de vue de la municipalité, du maire ou du point de vue du département, hein, qui vont penser que les services publics sont donc en péril parce qu'il y a des grèves. Mais voilà, c'est aussi pour de meilleurs services publics. Hein, bah, la ville de Malakoff, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui touchent une prime, peut-être 100 ou 200 ou 300 euros de plus, ou même si c'est 50 euros de plus, c'est pas grave, ça reste une différence catégorielle entre différentes personnes embauchées dans la même structure, la fonction publique, et ce n'est pas normal. Et je considère que, malgré la critique que je peux faire du fait que ça soit corporatiste, c'est vrai, je pense que toutes les grèves sont bonnes à soutenir et que après, notamment en tant que libertaire et anticapitaliste, donc c'est à nous peut-être d'apporter des éléments que les personnes n'ont pas forcément naturellement. Hein. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas penser tout de suite quand on voit... quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des salaires, hein, qui sont toujours en baisse, et que bah faut pouvoir payer son loyer, faut pouvoir payer ses factures d'eau, de gaz, d'électricité, et puis surtout payer sa nourriture, hein, évidemment. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui défendent leur gagne-pain pour 50 euros de plus par mois qui va leur permettre de pouvoir manger un peu plus convenablement, c'est normal. Après voilà, c'est à nous aussi d'apporter cette critique contre cette société inégalitaire, inéquitable, et voilà, d'amener justement un échelon au-dessus de réflexion. Mais en tout cas, je considère quand même que c'est une lutte qui est à soutenir. Et c'était à Malakoff. Une autre lutte aussi. Alors, pas dans le même genre, mais ça reste une lutte quand même. C'est à Issy-les-Moulineaux. Alors, c'est toujours dans le 92, hein, pardonnez-moi. Dans les Hauts-de-Seine, donc à Issy-les-Moulineaux, il y a un lycée de bloqué, le lycée Eugène Ionesco. Et apparemment, il va être bloqué au moins jusqu'à jeudi. Alors, ce sont des lycéens et des enseignants qui luttent contre la fermeture... contre la fermeture d'une filière, je suis en train de retrouver le nom de la filière, oui voilà, c'est contre la fermeture de la filière système électronique et numérique, donc au lycée à Issy-les-Moulineaux, sachant qu'elle va réouvrir à Meudon-la-Forêt. Donc c'est aussi bah, le problème de transport, le problème de ces lycéens et des professeurs qui vont peut-être devoir migrer, alors que ce n'est pas normal. En tout cas, moi, ça me semble pas évident qu'on puisse fermer une filière à droite pour en réouvrir une à gauche. Enfin, tout ça me paraît quand même assez aberrant. Hein. Autant ouvrir toutes les filières, hein, pourquoi pas, hein, mais on ferme pas des filières comme ça en cours d'année ou ce genre de choses. Donc un blocus jusqu'à jeudi, et puis alors je sais qu'il y a une délégation qui a été reçue, mais à mon avis les délégations ça donne jamais grand chose, hein. En tout cas c'est mon avis. En tout cas voilà, le blocus sera maintenu au moins jusqu'à jeudi, et donc d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Sachant que jeudi c'est ce jour où le rectorat doit présenter la carte définitive des formations dans l'académie. Et donc, c'est là où va être affectée telle filière à tel lycée. Alors, la grève a débuté mardi dernier. Donc c'est quand même, de mardi à de la semaine dernière jusqu'à jeudi de cette semaine, c'est quand même beaucoup de jours de lutte. Je pense que, pareil, hein, il faut apporter son soutien si vous le pouvez, hein, bien évidemment. Je suis en train de vous obliger en rien, je propose simplement des rendez-vous. Donc voilà, si vous passez par ici les Moulineaux, ou si vous y êtes, hein, tout simplement, eh bien, passez voir les personnes qui font le blocus au lycée Eugène Ionesco. Alors ici les Moulineaux, on peut y accéder par le RERC, on peut y accéder par le tramway T2 en direction de Porte de Versailles, on peut y accéder par le métro 12 aussi, station Mairie d'ici, c'est le terminus. Voilà, donc il y a un certain nombre de transports qui passent là-bas, sans compter le nombre de bus, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc blocus jusqu'à jeudi, donc d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, vous pouvez y passer. Autre lutte, c'est le mercredi 13 janvier. Le mercredi 13 janvier, c'est, ça sera aussi dans le 92. Hein, je suis vraiment désolé, mais c'est les infos qu'on m'a envoyées le plus pendant cette semaine. Enfin, pendant la semaine dernière, je veux dire. Pour l'émission de cette semaine. Et donc le 13 janvier, c'est le jour de l'audience des expropriés de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je vous avais parlé de ce sujet la semaine dernière en présentant les différents rendez-vous de soutien à la ZAD qui ont eu lieu samedi dernier, avec une très grosse lutte, hein, sur Nantes, notamment le blocage du périphérique pendant la nuit de samedi à dimanche, mais justement pour lutter contre ces référés d'expropriation. Et mercredi, eh ben, le jugement tombera. Est-ce que les personnes vont être expropriées ou non ? Et un rassemblement est donc prévu devant le siège de l'entreprise Vinci. Et ce siège est situé dans la ville de Rueil-Malmaison. Évidemment, hein, les personnes qui appellent à ce rassemblement, c'est tout simplement parce que les recours juridiques sont toujours en déroulement. Et du coup, Vinci veut quand même passer outre ces recours juridiques, alors qu'il y avait un deal qui avait été fait, comme quoi, jusqu'à temps que l'intégralité des recours juridiques soit utilisée, il n'y aura personne d'expulsé de la ZAD et les travaux ne commenceront pas. C'était un deal qui avait été passé avec le gouvernement lui-même, de ce que je me rappelle et des infos que j'ai. Et bah, entre le gouvernement qui n'est plus un État aussi fort que ça, hein, c'est plus l'État fort que du gouvernement socialiste des années 80, mais ou même plutôt pour les gouvernements non socialistes, mais voilà, c'est le Vinci, le patronat, le libéralisme qui passe outre toute justice ou voilà. Alors, quand même, pour y aller à ce siège social à Rueil-Malmaison, eh bien, vous avez deux solutions. Soit à partir de La Défense. Alors, La Défense, on y accède par le RER A, par la ligne 1 du métro, ou par la ligne L du Transilien aussi. Alors, de là, il faut prendre le bus 141. Et il faut aller jusqu'au terminus, dénommé lycée de Rueil-Malmaison. De là, eh bien, c'est difficile de vous indiquer, mais vous trouverez ça sur Internet d'ici mercredi, certainement. Et voilà, il faut aller jusqu'au terminus de la ligne 141 au départ de La Défense, et le siège social n'est vraiment pas loin, à 500 mètres dans les hauteurs. C'est tout ce que je peux vous indiquer. À partir, sinon, vous pouvez par un autre accès, c'est à partir de la gare du RER A de Rueil-Malmaison. Sur la ligne A du RER en direction de Saint-Germain-en-Laye, il faut prendre le bus 467 jusqu'à l'arrêt piscine de Buzinval, et là c'est pareil, là par contre ça sera en contrebas que le que le siège de Vinci est situé, donc voilà, ça à partir de 9h du matin, je vous ai pas donné l'heure, excusez-moi, mais voilà, ça à partir de 9h du matin mercredi 13 janvier. Autre rendez-vous, samedi 16, à partir de 14h, la manifestation du collectif des Barras. Alors, le collectif des Barras, c'est un collectif qu'on suit, hein, bien évidemment, depuis certain nombre de mois et d'années, qui est donc une lutte pour les sans-papiers, une lutte pour le logement, pour tous et toutes, sachant qu'il y a le procès dans quelques jours d'un bâtiment qui est occupé à Bagnolet par le collectif Barras et qui appelle donc à cette manifestation de solidarité. Sachant que le collectif Barras est composé de migrants originaires principalement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et pour la plupart vivaient en Libye depuis de nombreuses années, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Libye est une zone de transit hein, depuis 2012 au moins. Et la guerre qu'il y a eu là-bas a forcé les gens à fuir, tout simplement. Et pour pouvoir avoir des papiers et travailler sur le territoire français, les critères imposés par la loi sont beaucoup trop restrictifs sur la régularisation, et sachant que les métiers les métiers qui embauchent le plus de personnes immigrées, le plus de personnes sans papier, c'est le nettoyage, c'est le bâtiment, c'est le gardiennage, c'est dans les restaurations à la plonge, tous ces métiers qui ne sont pas bien payés, hein, c'est clair. Et voilà, cette manifestation se veut revendiquer l'obtention de la régularisation pour tous les sans-papiers du collectif Débarrasse, mais aussi pour tous les sans-papiers en général, bien évidemment. Et donc le lieu de vie qui est situé au 72 rue René Alazard à Bagnolet, ne soit pas expulsé, ne soit pas fermé. D'autres logements hein, ont essayé d'être... il y a eu des essais de trouver d'autres logements, mais ce n'est pas facile, bien évidemment, hein, surtout quand on est sans papier, c'est impossible de payer son loyer. Hein, donc c'est pour ça, c'est du squat, c'est de la débrouille, et forcément, dès qu'il y a des choses qui sortent des sentiers battus, et ben tout de suite la répression tombe, hein, naturellement. Et donc l'audience, je vous parlais juste au début de l'audience, c'est le 21 janvier qu'elle aura lieu, et la mobilisation, cette manifestation, c'est samedi 16 janvier à 14h à mairie de Montreuil, place Jean Jaurès. Alors vous y accédez par le métro 9, mairie de Montreuil, tout simplement. Et puis, rendez-vous aussi important, et ça sera le dernier pour la région parisienne, c'est la seconde vague de la collecte pour Calais. Collecte qui est organisée par le collectif et l'association maintenant Polyvalence. Polyvalence qui est une association qui publie sur un site internet Polyvalence MP. Je n'ai plus le... Alors je retrouve les informations dans mes papiers et je vous dis ça tout de suite. Bon, je ne retrouve plus l'information, mais en tout cas, sachez que le collectif Polyvalence, l'association Polyvalence maintenant, est une association qui réunit différentes personnes pour la diffusion de textes. Alors au début, c'était quand même d'orientation féministe, on va dire, avec des publications de livrets, de témoignages qui a valeur de dénoncer le sexisme, le machisme, etc. Mais ça s'est ouvert à différentes thématiques comme le corps, la sexualité, le désir d'enfant ou le non-désir d'enfant. Enfin, il y a plein de thématiques. Et c'est sur le site de Polyvalence, hein, donc ça doit être polyvalence-mp.org ou .com que vous retrouvez toutes les productions du collectif et de l'association maintenant. Et donc, il y a eu il y a quelques mois une première vague de collecte et voici la seconde vague donc pour destination des migrants de Calais et de Dunkerque qui aura lieu pendant tout le mois de janvier 2016. Alors bah évidemment c'est un appel à la générosité hein, de tout le monde, de tous et de toutes, sachant que ce qui a besoin urgent, c'est de matériel de couchage et de vêtements chauds. Matériel de couchage type couverture, sac de couchage, des tentes à partir de 3 places, et si possible de plus grandes tentes, des bâches, des tapis de camp, du bois de chauffage, des extincteurs, des gants, des foulards, des chaussettes hein, et des sous-vêtements, de la nourriture aussi, hein, principalement des conserves, mais si vous avez du riz, de l'huile, des paquets de biscuits, des conserves, etc. Tout ce qui est hygiène avec déodorant, lingette pour bébé, crème à raser, shampoing. Et puis, et bien évidemment, les vêtements chauds, hein, manteau et pantalon chaud, de préférence imperméable. Pareil hein, pour les femmes avec soutien-gorge de petite taille qui est recherché apparemment. Mais voilà, manteau et pantalon chaud et imperméable. Des hauts avec manches longues, des pulls, des sweats, en préférence taille S et M. Des chaussures de marche imperméables, taille 42 et 43 principalement. Voilà. Et les informations pour la collecte, c'est... le rendez-vous est à Arcueil pour déposer vos bons. Alors, à Arcueil, mais il faut descendre à la station Gentilly du RER B. Et pour l'adresse exacte, qui n'est pas affichée en public, il faut contacter la personne qui gère Polyvalence à l'adresse mail suivante. Je vais la répéter plusieurs fois. C'est assopolyvalence@gmail.com. Donc, asso, c'est A2SO. Polyvalence, P-O-L-Y-V-A-L-E-N-C-E, asso polyvalence, tout attaché, @gmail.com, gmail.com. Là, vous, la personne répond quand même assez rapidement, et vous aurez l'adresse exacte pour pouvoir donner vos dons. Donc voilà, sachant qu'il y avait eu, hein, au mois de septembre, deux camions, hein, avec une première collecte de polyvalence, deux camions étaient partis de Paris jusqu'à Calais, donc voilà, pour tout ce qui était produits d'hygiène déjà, des vêtements, des chaussures, des chaussettes, etc., des sacs de couchage, des tapis, des couvertures. Donc voilà, deuxième vague, hein, parce que bah, depuis septembre, donc depuis presque 6 mois, depuis 6 mois, le nombre de personnes à Calais, Dunkerque, etc. a augmenté nettement. Donc les besoins se font beaucoup plus pressants. Et aussi, parce que je le vois en petite info en plus, des groupes électrogènes, si vous en avez et que vous ne vous en servez pas, des vélos, des livres aussi, si vous en avez en farci ou en pachetou, des jeux, des cartes, qui sont quand même bien précieux sur le camp et qui permettent de s'affranchir de la dureté du quotidien. Quotidien terrible, de ce bidonville et cette un peu cette violence, ce chaos surtout qui règne dans ces camps tout au nord de la France. Donc voilà, c'est à Arcueil. Descendre à la station Gentilly, ligne du RER B, sud de Paris. Et pour l'adresse exacte, c'est envoyer un mail à assopolyvalence@gmail.com. Alors bon, on va passer une petite pause musicale et je vais continuer avec David Bowie. Allez, parce que voilà. Allez, David Bowie, sans forcément d'explication. À tout de suite. but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, à l'écoute de l'émission C'est là que ça se passe, sur le 89.4 sur la bande FM et sur le net, sur www.radio-libertaire.net. Alors on m'a communiqué une petite faute que j'avais fait, et merci de cet appel concernant le rendez-vous du rassemblement devant le siège de Vinci à Rueil-Malmaison. Alors c'est un rassemblement qui est à 9h pile. Hein, donc c'est d'y être à 9h qui est le plus idéal et pas plus tard. Et en fait, pour y aller, donc beaucoup plus simple que ce que j'avais annoncé, c'est de prendre le RER A, de descendre à la station Rueil-Malmaison. C'est le RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye, descendre à la station Rueil-Malmaison, et en fait il faut remonter la rue qui est juste quand on descend de la station, en direction de la Seine. Et là en fait vous allez avoir au bout le siège de Vinci. Voilà. Donc c'est voilà, descendre à Rueil-Malmaison, prendre la rue une fois qu'on descend de la station, prendre la rue qui remonte en partant de la gare et en direction de la Seine. Et là, vous allez avoir le siège de, de Vinci, et donc il faut y être à 9h pétante. Donc merci pour l'appel et pour le petit la petite erreur que j'avais faite, hein, j'en suis bien désolé. Et maintenant, nous allons passer au rendez-vous hors de la région parisienne. Alors bah en lien, voilà, on va continuer en tout ce qui est de soutien pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc en lien avec le rendez-vous de mercredi à Rue Malmaison. Vous avez à Brest et à Nantes deux rendez-vous aussi de prévus mercredi. Alors à Brest, ce sera devant le tribunal d'instance, ce qui est situé au 150 rue Ernest Hemingway. Alors c'est un rassemblement de soutien aussi contre les expropriations aussi, hein, les expropriations comme je disais tout à l'heure les référés d'expropriation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et puis, la manifestation de samedi dernier. La manifestation de samedi dernier, qui était, qui avait eu lieu partout en France. Et notamment sur la, enfin à Nantes. Et le fait est que c'est toujours pour combattre, hein, combattre Vinci, combattre les décisions de l'État aussi, combattre tout ce monde de béton qu'il voudrait nous forcer à accepter. Alors qu'on peut vivre tellement plus facilement sans avoir toute cette atmosphère, toute cette terre recouverte de goudron et de ciment. Et donc c'est au 150 à Brest, 150 rue Ernest Hemingway, le tribunal d'instance. Et au même moment, il y aura aussi un soutien devant le palais de justice de Nantes. Devant le palais de justice de Nantes. Alors je n'ai pas l'adresse pour le palais de justice de Nantes. Par contre, les deux rendez-vous, c'est vers 11h ou 13h, de 11h à 13h. Pour Brest et Nantes. Donc à Brest, le tribunal d'instance 150 rue Ernest Hemingway. À Nantes, ça sera devant le palais de justice de Nantes. En lien aussi, mais cette fois-ci à Grenoble, mercredi 13, une fête de rue, manifestation, hein, contre l'état d'urgence. Rendez-vous fixé à 18h devant la gare de Grenoble. Et puis, il est conseillé d'apporter de quoi faire un peu de musique et un peu de bruit, et puis de quoi manger et se désaltérer. Donc voilà, ce même jour, un certain nombre de rassemblements, de luttes qui sont faites en soutien, hein, pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et contre l'état d'urgence aussi, puisque malgré tout, même si la lutte de la ZAD a commencé avant l'état d'urgence, l'état d'urgence implique quand même des procédures judiciaires accélérées qui nous pressent, hein, dans nos luttes, évidemment. Et puis il faut marquer, hein, sa solidarité pour ces luttes-là. Donc ça, c'est mercredi 13 à Grenoble, devant la gare, à 18h, contre l'état d'urgence. Une manifestation, une fête de rue festive, avec de la musique. Donc voilà, apportez vos trompettes, vos instruments, et puis de quoi partager un repas. Le samedi 16, ce sera à Marseille, une manifestation de solidarité avec les Kurdes, à partir de 14h, en haut de la Canebière. Alors c'est une manifestation qui se veut donc en solidarité avec les peuples kurdes qui luttent actuellement, hein, sur le Kurdistan syrien, sur le Kurdistan turc, sur le Kurdistan irakien, et notamment, principalement, cette lutte se veut axer le point de vue et les regards sur le Kurdistan turc, avec d'un côté l'oppression de Daesh, et de l'autre côté, l'oppression et la répression du gouvernement d'Erdogan hein, et de son parti, l'AKP, à la tête de la Turquie, qui, continue sa répression, continue les meurtres, hein, parce qu'il y en a eu, hein, des meurtres sur son territoire, des meurtres de personnes kurdes qui continuent à, on ne sait pas trop clairement comment ça se passe, à ne pas trop attaquer le Daesh, en ayant favorisé des couloirs d'armement en faveur de Daesh il y a de ça l'année dernière, il y a 2 ans. Bon, bref, c'est un gros globi-goulba hein, qui se passe en Turquie actuellement, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement turc actuel ne favorise pas, mais comme il l'a toujours fait, ne favorise pas l'émancipation des peuples kurdes. Et je salue les IPG et les IPG qui se battent continuellement depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, actuellement principalement face à Daesh, mais qui essayent de construire quand même quelque chose de nouveau. Quelque chose de libre comme système, et je pense que c'est quand même à soutenir. Donc c'était pour Marseille, 14h en haut de la Canebière, samedi 16. Un autre rendez-vous, qui n'est pas un rendez-vous de lutte cette fois-ci, ce sera à Chambéry, le festival du film militant et libertaire, organisé par le groupe de Chambéry de la Fédération anarchiste, avec 5 ou 6 films qui seront présentés samedi 16 et dimanche 17, avec notamment le nouveau film de Yanis Yuluntas, Je lutte, donc je suis, ou encore la projection de Howard Zinn, Une histoire populaire américaine. Donc renseignez-vous si vous passez par Chambéry, ou si vous y habitez, eh ben, vous aurez plus d'infos à l'adresse suivante www.fa73. Alors 73 écrit en chiffres, hein, donc un 7 et un 3. fa73.lautre, lautre.net. www.fa73.lautre.net et vous aurez tout ce qui concerne le lieu, les heures de séance et les discussions qui s'accompagnent de ces séances, qui accompagnent ces séances, pardon. Avec, oui, 5 ou 6 films qui seront projetés pendant tout le week-end du samedi 16 et du dimanche 17 à Chambéry. Autre rendez-vous, cette fois-ci dans le sud-ouest, avec mercredi 13 janvier, à Bayonne. Alors toujours en lien, en solidarité avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un rassemblement de soutien contre les expulsions et l'expropriation de la ZAD, et puis contre l'aéroport de Vinci, bien évidemment. Et le rendez-vous est donné à 18h30, place de la mairie à Bayonne. 18h30, place de la mairie à Bayonne. Soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mercredi 13 janvier. Et dernier rendez-vous, ce sera pour Bordeaux. Bordeaux, manifestation, samedi 16 janvier, toujours en lien avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, hein, toujours en soutien avec les zadistes, qu'il ou quel qu'il soit, et pour l'arrêt immédiat des procédures d'expulsion. Le rendez-vous sera donné samedi 16 janvier à partir de 14h, place Fernand Lafargue. 14h, place Fernand Lafargue, samedi 16 janvier, à Bordeaux, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, voilà pour le point des rendez-vous en région. On va faire de nouveau une petite pause musicale avant un petit point international. Alors, j'aurai pas beaucoup d'infos à vous donner sur l'international cette semaine. Mais je vous donnerai ça juste après une petite pause musicale. À tout de suite. toujours à l'écoute de C'est là que ça se passe, émission consacrée aux rendez-vous de lutte et puis des rendez-vous pour discuter, se rencontrer et décider ensemble. C'est là que ça se passe sur Radio Libertaire. Alors je vous avais dit tout à l'heure qu'on dépasserait un peu de l'heure finale qui est censée être 14h30 théoriquement, puisqu'il n'y a pas l'émission Onde de choc aujourd'hui. Donc on va encore occuper l'antenne pendant une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure, pour finir sur les points internationaux. Et cette semaine, pas grand-chose à vous donner comme information au sujet de l'international, si ce n'est une information qu'on m'a envoyée concernant l'Italie. Et l'Italie dans la ville de Fidenza, qui est dans la région à peu près de pas loin de la ville de Parme, en fait. Il y a une grève qui s'est mise en place depuis quelques temps, une grève des employés du magasin Penny Market. Alors ces grévistes, hommes et femmes, hein, luttent pour, tout simplement, et c'est déjà quelque chose de très basique, pour le respect du droit du travail, c'est-à-dire que leur employeur ne respecte même pas les accords de droit du travail de base, je dirais. Et c'est pour ça que cette lutte existe, sachant qu'ils ont subi une forte répression il y a quelques jours. Alors il faut savoir que ce sont des personnes, ces grévistes sont à peu près une vingtaine ou une trentaine à faire piquer de grève devant le magasin, à diffuser du tract et puis à informer les personnes qui viendraient, hein, au magasin Penny Market. Et donc ils ont subi, ils et elles ont subi une grosse répression il y a quelques jours. Grosse répression avec l'envoi de forces de police pour casser le blocus du magasin. Oui, parce qu'il y a eu un blocus du magasin et c'est pour ça que la direction a appelé les forces répressives de l'État et qui ont violenté sévèrement les grévistes. Et c'est justement pour ça que je voulais parler de cette lutte, notamment parce que, voilà... Quand on mène une lutte qui est un peu plus musclée, hein, le blocus du magasin, le magasin, il existe et il peut survivre seulement s'il y a des personnes qui y achètent, évidemment. Sinon, il n'y a pas de ces transferts d'argent. Et en faisant blocus, eh bien, on fait en sorte d'attaquer le capital, et donc là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire à la rente financière. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette crosse de répression, hein, de la part des carabinieri, comme on dit en Italie, c'est-à-dire les forces de police, hein, de l'État italien, qui ont donc violenté, je vais pas dire tabassé parce que ça le mot serait trop fort, mais qui ont quand même utilisé les gaz lacrymogènes et ont utilisé aussi les coups de tonfa, hein. Et puis voilà, tout ça pour les faire déguerpir de là, pour que le capitalisme puisse continuer sa machine expéditive, hein, et faire tourner l'argent, bien évidemment. Sachant que ces personnes qui luttent actuellement contre la direction de ce magasin Penny Market ont quand même un soutien, hein, efficace d'une partie de la population locale, hein, qui les soutient. Voilà, il y a quand même une solidarité qui se met en œuvre, etc. Mais la solidarité n'évite pas à ce que les forces répressives de police, etc., utilisent la violence pour expédier les blocus de magasins. Alors, on a déjà connu ça en France, hein, la répression quand il y a des blocus de magasins, quand il y a des blocus de banques ou d'autres choses encore. Mais tout de suite, hein, les forces de l'ordre, enfin du désordre plutôt, sont, interviennent pour faire cesser... pour faire cesser, et que l'ordre règne, bien évidemment, pour faire cesser ces exactions qui bloquent l'argent. Hein. Quelle idée de bloquer l'argent, enfin. C'est, voilà. Donc il n'y a pas qu'en France que ça se passe, hein. En Italie aussi, et très certainement dans d'autres pays, bien évidemment. Mais voilà, pour l'instant, le point international a du mal à se mettre en place dans l'émission. Hein. J'en suis fortement désolé, puisque c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur de pouvoir diffuser de l'information sur les luttes qui se passent hors des frontières françaises, on va dire. Et voilà. Donc, la semaine dernière, c'était principalement en Belgique et sur Bruxelles. Bon, eh bien, cette semaine, c'est sur l'Italie et la ville de Fidenza. Et bien j'espère la semaine prochaine avoir un peu plus de matière, un peu plus de lutte internationale à vous proposer, à vous diffuser, bien évidemment. Donc c'est là que ça se passe. C'était donc la deuxième de cette émission. Donc encore des petites choses à régler avant que tout se passe bien dans l'émission. Hein. On peut le sentir au niveau de peut-être quelques petits incidents techniques. Qui peuvent se passer. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure, 13h-14h30. Et puis, bon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, et Radio Libertaire, c'est la voix sans Dieu ni maître, et surtout sans publicité de la Fédération anarchiste, mais sans publicité qui fait que, eh bien, on n'a pas toutes les rentes financières que les autres grandes stations de radio, et parfois même des petites, peuvent avoir. C'est ça, d'être encore survivante des radios libres de la fin des années 70, début 80. Et ce qu'il reste, c'est seulement vos dons. Vos dons, votre soutien, auditeurs et auditrices. Et pour celui-ci, il y a trois moyens. C'est d'aller sur le site internet de la Radio Libertaire, donc www.radio-libertaire.net. Là, vous avez un onglet « Nous soutenir » et vous pouvez télécharger un bon de souscription qui permet un virement mensuel qui commence à partir de 5 euros et qui est modulable, évidemment, selon ce que vous voulez et pouvez. Vous êtes libre de ce choix. Et sinon, il existe deux autres moyens aussi, c'est de passer à la librairie Publico, siège social de la radio, au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire, ou encore les 5 ou 6 lignes qui passent à la station République, c'est vraiment pas loin. Vous y allez et vous demandez à notre très cher compagnon permanent de la librairie Publico, Laurent, qui se fera un plaisir de vous donner la carte d'auditeur et d'auditrice de Radio Libertaire et qui est au prix de 20 euros, qui est valable un an et qui donne droit à quelques réductions dans certains théâtres et concerts de Paris. Je n'ai pas du tout la liste en tête, mais vous pourrez demander ça à notre cher permanent. Autre dernier moyen, c'est de faire un chèque tout simplement hein, pour Radio Libertaire. Alors je n'ai pas l'ordre, mais le mieux c'est de passer directement à Publico pour le faire. Ou si vous n'êtes pas sur la région parisienne et que vous voulez soutenir par l'intermédiaire d'un chèque Radio Libertaire, eh bien soit vous le faites en ne mettant pas d'ordre dans une enveloppe et puis vous envoyez ça à Publico-Radio Libertaire, 145 rue Amelot, 75011 Paris. Ou bien je vous donnerai l'information concernant l'ordre à mettre pour un chèque de soutien la semaine prochaine, dans lundi prochain pour l'émission. C'est la prochaine émission de C'est là que ça se passe. Alors, il y aura toujours des rendez-vous proposés pour Paris intramuros et pour la région parisienne. Des rendez-vous toujours proposés ailleurs en France, hein, donc dans les grandes villes, Grenoble, Lyon. C'est vrai que cette semaine, je n'avais rien pour Lyon, mais il doit sans doute avoir des choses, hein, c'est évident. Des choses qui se font. Voilà, pour Chambéry, pour Marseille, pour Brest, Nantes, voilà. Donc dans les grandes villes principalement, mais c'est en fonction des informations que je reçois. J'espère pouvoir étoffer avec un morceau plus conséquent sur la catégorie internationale que cette semaine ou que même la semaine dernière. C'est vrai que c'est compliqué de trouver des informations de lutte, en tout cas de lutte sous un prisme anti-autoritaire. Bien évidemment, je pourrais vous citer que au Chiapas, la lutte continue. Hein, toujours, qu'il y a toujours des mouvements de grève, je ne pourrais pas citer lesquels, mais qu'il y a toujours des mouvements de grève en Argentine et au Brésil actuellement. Voilà. Et que le prolétariat et le précariat français n'est pas seul, isolé, à se battre, et qu'il y a, le précariat mondial hein, qui lutte aussi, même si les informations sont difficiles à avoir, malgré Internet, hein, malgré ça, malgré les envois courriers, malgré le téléphone, tout ça, c'est compliqué d'avoir accès à des luttes locales qui pourraient se faire, telles que celles que je peux énoncer pour Paris et le reste de la France. Hein. Donc c'est toujours difficile d'avoir ces informations, mais voilà, j'essaye ou je vais essayer de l'étoffer un peu plus. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis la prochaine émission, ce sera Trou Noir, à partir de 16h. Jusqu'à 18h. Ça sera une émission en direct. Trou Noir reprend ses directs après deux ou trois semaines de diffusion d'émissions préenregistrées. Donc Trou Noir reprend ses directs à partir de 16h, hein, donc dans 1h20 à peu près. Vous retrouverez donc l'équipe de Trou Noir, bien évidemment, et qui aura pour invité cette semaine René Berthier, pour une présentation, discussion autour de son nouveau livre consacré aux liens et aux différences entre le marxisme et l'anarchisme, bien évidemment, entre ces deux formes de socialisme. Nouveau livre de René Berthier qui fait suite à un petit livre qui était sorti par Olivier Besancenot et un autre auteur dont je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas qui n'était pas spécialement fouillé, en tout cas c'est mon point de vue, et qui faisait de très très grands raccourcis au sujet des points de concordance entre le marxisme et l'anarchisme. Alors que, quand on y réfléchit bien quand même, et au regard de l'histoire, hein, bien évidemment, eh bien, ce n'est pas aussi évident que ça que d'avoir des points de convergence, dirais-je. Donc vous aurez toute cette discussion sur le nouveau livre de René Berthier, quelque part en réponse à ce petit livre sorti il y a quelques années par Olivier Besancenot et un autre auteur dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà, ce sera René Berthier pendant 2h avec l'équipe de Trou Noir de 16h à 18h. Alors je vais peut-être vous passer encore quelques chansons. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner les noms, hein, mais on a eu juste avant Killing Joke, le groupe Killing Joke, avec la chanson Complications. Et là, je vais vous passer une petite chanson du groupe Police des Mœurs, qui est un groupe québécois, avec la chanson La politique de la division, qui est une chanson qui a été écrite pendant les événements, les grandes grèves qu'il y a eu en 2012 au Québec. Donc à Montréal, à Québec City, etc. Donc petite chanson qui a été écrite à ce moment-là, et que si vous écoutez bien les paroles, les paroles de cette chanson parlent du gouvernement et de la division, hein, divisée pour mieux régner, hein, évidemment, et que le gouvernement québécois de 2012 avait fait sienne ce proverbe, dirais-je. Et juste après, je vous mettrai le groupe Molodoy avec la complainte des ouvriers. Et puis, avant de passer aux plages musicales, aux bandes continues de Radio Libertaire en attendant la prochaine émission, une dernière chanson qui sera le titre No Pasaran avec le groupe Les Cadavres. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de lutte. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous. À lundi prochain. Séparés,

menti du lendemain en me trompant, en me trompant. Mais dis-moi ce qui nous reste. Que reste-t-il, marcher sans but? Je suis sans foi, il reste au choix. De marcher seul ou côte à côte. Jusqu'à ce que...